Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre étude sur le sermon sur la montagne. Et nous allons continuer à regarder qu'est-ce que le roi dit de ce royaume qu'il va installer, qu'il va inaugurer, qu'il va mettre en place. Donc, il me semble qu'il est facile à comprendre ou à déduire que si Jésus vient établir le royaume des cieux, c'est parce que les cieux ne règnent pas sur la terre présentement. C'était l'ennemi qui régnait. Jésus va le faire ressortir ailleurs dans cet évangile du roi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, ce que nous allons voir ce matin est essentiel et primordial. Mais c'est tellement contre notre nature humaine. Notre nature humaine se bat contre cette idée-là, se refuse. Mais on comprend que c'est par ta grâce. Si un jour nous décidons de le faire, conduis-nous par ton Esprit Saint, éclaire-nous, au nom de Jésus. Amen. Nous allons prendre le temps de lire le chapitre 5 de Matthieu à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. L'être humain depuis la chute d'Adam et Ève, vit, mange, dort, achète, vend, recherche la paix, fait la guerre, pour une seule raison, pour sa propre gloire. Je sais que c'est irritant pour la chair humaine, pour l'être humain. On veut se faire croire qu'on fait les choses pour les autres, pour Dieu, pour les religieux. Et des fois, j'écoute le sport, la télévision, puis là, on dit « Ah, je fais ça pour ma mère, je fais ça pour mes enfants, je fais ça. » Moi, je vous dis, quand on ne le fait pas pour Dieu, on ne le fait pas pour personne d'autre hein, que pour soi-même. C'est ce que le texte nous parle ici ce matin. Il dit deux choses. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière du monde. Moi, étant en dehors du royaume des cieux, de par ma naissance de pécheur que je suis, si j'étais du sel, je n'avais pas grand goût spirituel. J'en avais pas même du tout. Et la lumière qui jaillissait de moi était ténèbre. Quand Jésus nous dit ici Vous êtes la lumière. Vous êtes le sel. Mais il dit bien, vous êtes le sel. Mais le sel a perdu sa saveur. Et du sel qui n'a plus de saveur, à quoi ça sert? Il ne sert plus à rien d'autre qu'à jeter dehors et à être foulé aux pieds par les hommes. Ça ne sert à rien. Parce qu'on met du sel pour avoir de la saveur. Et s'il n'y a plus de saveur, ben on jette le sel et on en prend du nouveau. La lumière, ça sert à éclairer. Mais si la lumière est sous un boisseau, ou une chaudière, ou sous une table, ou sous un meuble, ou dans un garde-robe, la lumière ne sert plus à rien. Et peut-être tu vas dire, bah, ouais, François, mais moi, avant, là, avant d'être croyant, j'avais du sel, là, j'avais du goût. Je n'étais pas ténèbre seulement, j'avais de la lumière, j'éclairais. Mais ici, le texte nous dit, si tu veux savoir si tu avais si tu étais du sel avec un bon goût, si tu avais une vie qui était lumière, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être du sel? Qu'est-ce que ça veut dire être la lumière, selon ce que Dieu veut qu'on soit? Donc, il dit, quand je t'ai créé, tu étais le sel de la terre. Quand je t'ai créé, tu étais la lumière du monde. Ça veut dire ceci au verset 16. Quand les gens vont nous écouter, quand les gens vont nous voir vivre, ils vont glorifier votre Père qui était dans les cieux. Quand nous regardons Jésus vivre, pendant les 3 ans, c'est surprenant. À quel point il est facile de voir que les gens qui étaient autour de lui glorifiaient Dieu de ce que Jésus disait et faisait. Moi, quand j'étais non-croyant, avant de faire partie du royaume des cieux, les gens qui m'écoutaient, les gens qui m'entendaient, les gens qui me voyaient vivre, qui regardaient mes œuvres, peut-être qu'ils auraient glorifié François. Peut-être. Mais la plupart du temps, ils ne glorifiaient pas François et ils ne glorifiaient pas Dieu. Donc, Jésus, ce matin, ici, il dit, j'aimerais que vous soyez le sel de la terre. J'aimerais que vous donniez du goût. J'aimerais que vous jouiez votre rôle de sel et que vous donniez du goût autour de vous. Que vous répandiez une bonne saveur autour de vous. J'aimerais que vous jouiez votre rôle de lumière et que vous éclairiez les gens qui sont autour de vous. Mais tu ne peux pas être du sel si toi-même, tu n'as pas de goût pour toi, si tu n'as pas du goût. Et tu ne peux pas éclairer si tu n'as pas de la lumière. Jésus va dire plus loin que les croyants sont des enfants de lumière. Donc, dans le royaume des cieux, quand nous y sommes rentrés, nous avons un seul but. nous avons une seule raison d'être. C'est être du sel et c'est être de la lumière afin que les gens qui nous regardent vivent, qui nous écoutent, ils vont glorifier Dieu qui est dans les cieux. Donc le but du royaume, c'est de glorifier Dieu. C'est d'amener de la gloire à Dieu. Donc Jésus, le roi, vient établir le royaume des cieux afin que le roi soit glorifié et que Dieu soit glorifié. Dans un royaume, c'est le roi qui est glorifié et non pas les sujets. Si vous regardez l'Apocalypse, dans le royaume des cieux, c'est le roi qui est glorifié, c'est Jésus qui est glorifié. Tous les autres dans le ciel qui nous est illustré dans l'Apocalypse, tous ceux qui sont dans le ciel, hommes et anges, glorifie Dieu. Donc, ici-bas, ceux qui vont faire partie, ceux qui sont appelés à faire partie de ce royaume des cieux, ont le même rôle qu'ils vont avoir pour l'éternité. Mais combien, moi premièrement, et beaucoup de monde autour de moi, j'ai vu, ils veulent entrer dans le royaume des cieux parce qu'ils croient que là, ils vont recevoir ce qu'ils ont toujours désiré. Que s'ils font partie du royaume des cieux, Dieu finalement va leur donner tout ce qu'ils veulent avoir, toutes ces bébelles qu'ils veulent avoir. Quels sont donc ces œuvres dont il parle au verset 16? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quelles sont donc ces bonnes œuvres? Ces œuvres qui vont amener de la gloire à Dieu. Vous savez, dans tous les mouvements religieux, il y a des hommes et il y a des femmes qui vont faire des bonnes œuvres. Tout le monde va s'occuper des pauvres dans tous les mouvements religieux. Et est-ce que ça amène de la gloire à Dieu dans tous ces mouvements-là? J'ai écouté un film sur une, il n'y a pas tellement d'années, sur une femme qui était reconnue dans le monde entier pour avoir vécu pour les pauvres, que vécu dans la, elle-même dans la pauvreté et tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'on lui donnait, elle l'investissait pour soulager la misère des gens. Quand elle est décédée, on a fait un documentaire ou un petit film sur elle. Et tous ceux qui ont parlé pendant ce documentaire-là, qui a duré environ une heure, ont parlé d'elle. Ils n'ont pas parlé du roi. Ils n'ont pas parlé du royaume. Ils n'ont pas parlé de Dieu, mais ils ont parlé d'elle. Quand on parle de Bouddha, quand on parle de Krishna, quand on parle du cardinal Léger, quand on parle de ces grands hommes et ces grandes femmes qui font du bien sur la terre, ils ne glorifient pas Dieu. Il y a quelque chose qui a manqué à quelque part parce que tous les regards sont tournés vers eux. Dans le ciel, tous les regards sont tournés vers le trône de Dieu. Même ici, si le mot « bonne œuvre » n'est pas tout défini, une chose est sûre, c'est quand les gens vont regarder mes œuvres, ma vie, mes paroles, mes chants, mes prières, ils vont glorifier Dieu. Ils vont glorifier Dieu de ce qu'ils ont fait de ce qu'il a fait en moi. Ils vont glorifier Dieu parce que moi, par ma vie, moi, par mes actions, je glorifie Dieu. D'une façon quelconque, par les paroles que je dis, par les actions que je fais, les gens se tournent vers Dieu et glorifient Dieu d'avoir fait cela en moi et par moi. Un homme qui avait dit un jour, accepte les applaudissements, donne gloire à Dieu. Et la gloire, donne-la à Dieu. Il nous faut vivre dans cette optique-là. Et si les hommes veulent nous donner de la gloire pour ce qu'on accomplit, pour Dieu et par Dieu, c'est à nous de redresser les pensées. C'est à nous de dire, non, tu m'attribues quelque chose là qui n'est pas à moi. Donne gloire à Dieu. C'est Dieu qui a fait ça, en moi et par moi. Si je vais au ciel, ce n'est pas parce que je suis bon et que je fais des bonnes œuvres, mais c'est parce que Dieu était miséricordieux. La proclamation de l'Évangile donne gloire à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'homme est pécheur et que Dieu est bon, que Dieu est miséricordieux, que Dieu est mort pour emmener le royaume de Dieu, que Dieu est mort, que Jésus est mort pour le pardon des péchés de la race rebelle que nous étions. Donc, nous donnons la gloire à Dieu pour le salut. Et nous proclamons haut et fort que tout ce que nous faisons ici-bas, c'est par sa grâce, par sa puissance, pour sa gloire. C'est une nouvelle façon de vivre. On ne vit plus pour nous, mais nous vivons pour sa propre gloire. Dans le royaume des cieux, les hommes et les femmes sont le sel de la terre. Ils sont la lumière du monde. Et Dieu reçoit la gloire qui lui est due. Notre bon Père du ciel, merci d'avoir fait de nous du sel. Merci d'avoir fait de nous de la lumière. Tu nous as créés pour ta gloire. Et quand nous vivons dans ton royaume, nous vivons pour ta gloire. Nous voulons que les hommes te glorifient. Seigneur, donne-nous de combattre par ton esprit que tu as mis en nous. De combattre le désir de la chair et de se glorifier. Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu nous aides à voir, à discerner quand nous tombons dans cette folie de vouloir se glorifier. Que les gens, notre Père du ciel, puissent te glorifier quand nous parlons, quand nous prions, quand nous agissons, quand nous prêchons l'Évangile, prêchons-le pour la gloire de Dieu et non pas seulement que pour les hommes. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.